toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Sublime et silence autour de toi, tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses blanches où fuit Paris. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans la fleur que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, tu détestes la mort aussi. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Te ressemble au moins en apparence, pourtant tu fuis. La vie t'aurait suffi. La vie t'aurait suffi. Je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses. Sublime avec le silence. Et c'était Julien Doré à l'instant sur Maxi France. Merci d'être avec nous. Maxi France avec Cyril. Et il y a quelques temps de ça, il est sorti une petite rubrique qui nous parle du temps passé sur le web. Et il paraît qu'il a encore augmenté. Et oui, les Français sont toujours aussi nombreux à surfer sur le web, mais ils le font pendant un temps plus long. Ce qui ressort d'une récente étude médiamétrique publiée début janvier. En novembre 2020, il paraît que 52,8 millions de Français se sont connectés à Internet au cours du mois. Si ce nombre est stable par rapport à l'année dernière, le temps passé sur Internet a en revanche progressé de 15,2%, soit 2h32 par jour en moyenne par Français, contre 2h12 en novembre 2019. Si l'augmentation du temps passé sur le web est une tendance qui continue, elle a sans doute été accentuée par la mise en place du second confinement qui a commencé le 20 octobre. Mais ces chiffres prouvent une fois de plus tout le potentiel d'audience des web radios. Et oui, qui peuvent accompagner en musique les 45,5 millions de Français, moyenne donnée par Médiamétrie pour novembre, qui se connectent à Internet chaque jour. Et vous en faites partie, bien évidemment, puisque vous êtes fidèle à Maxi France et nous vous en remercions. Voilà, passez tout le temps qu'il vous faut. On essaye de vous chouchouter, vous le savez. Les auditeurs de Maxi France sont sont nos petits protégés, hein. Ouais, on va le dire comme ça. Et d'ailleurs, on vous offre des petits goodies si vous avez envie d'avoir des petits souvenirs de la radio, des petits moments pour mettre sur le frigo, un petit. Alors c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, hein. La direction a sorti un décapsuleur pour on va tirer une bouteille de coca, pourquoi pas. Eh bien, vous nous envoyez votre demande, on vous le fait comme ça. Oui, bien sûr, c'est offert par la direction, par la radio. Vous m'envoyez tout ça à contact@maxifrance.radio, contact@maxifrance.radio. Surtout, vous gênez pas, nous, ça nous fera un grand plaisir de vous offrir des petits souvenirs de la radio. Voilà, ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de les offrir aux amis ou à la famille, pourquoi pas. À suivre, Patrick Bruel arrive tout de suite avec Au bout de la marelle, et il y aura la suite avec Art Mango ou encore Noé, l'un près de l'autre. Art Mango, je vous le propose avec Les parfums de sa vie. Merci d'être avec nous, bon après-midi, hein. Même s'il pleut chez vous, restez là, nous on vous envoie toujours du soleil, on essaye au maximum. Ça commence comme un rêve, un premier rire, un rien, au regard qui se lève.